Alphonse car je cause mon paquet, j'arrive chinois comme Jackie, et so kaki, au micro nous sommes comme vos grands patères, 667, équipe, t'es comme nous, t'en trouves pas d'autres dans la terre, vrai négro shit comme d'hab, fume le shit comme d'hab, dans l'usine comme en Chine comme d'hab, avec mes cibles comme d'hab, touche les cibles comme d'hab, 1-7-2-6 comme d'hab, on a trop d'avance, SO Afro S, pour qu'on s'y faudra une grosse avance. Shenzhen comme un pro j'avance, à la boutique j'ai vu ton flow à vendre. Je veux faire des sous comme un pays, mentalité militaire comme un tri. R.E.P.P. mon fuck un TI, Gadam négro tu transiges comme un VI. Parafranc équipé, je vais skier ceux qui sont équipés. Galère, j'avance avec mes équipés, on les fouette même avec l'équipe B. Voilà, on va reprendre la vie comme en SVT.